m'exposer un peu plus au soleil. C'est un peu tard, Jane, pour le soleil. Ah oui, ça y est, l'été a mis du temps à prendre ses bagages, mais ça y est, il est bien derrière nous. Hein. En tout cas, en Normandie. Alors, on joue avec le hockey, avec la Ligue Magnus et nos Dragons de Rouen qui jouent ce soir, tiens d'ailleurs, dans ce match de Champions Hockey League. Vous aurez l'occasion, en tout cas, de les encourager en Ligue Magnus contre Gap. Ça sera vendredi soir à 20h. Ouais, la Champions Hockey League, il n'y a plus rien à gagner hein, pour nos Dragons, malheureusement. Ils n'ont pas réussi à dans ces matchs de poule, à ressortir avec assez de victoires. Donc, le match de ce soir, il compte pour du beurre, si je puis dire. Ce soir, c'est Ilves Tampere, les Finlandais qui sont sur la patinoire de l'île Lacroix. On va essayer de voir si vous y connaissez en finnois. Que veut dire Ilves, justement, en finnois? Ça veut dire tigre, requin ou lynx. Vous avez le petit logo de l'animal en question si vous allez vous balader sur le site du RHE 76 et vous aurez peut-être l'occasion d'aller encourager nos dragons contre Gap vendredi soir 20h. Ce soir, Ilves Tampere, les Finlandais, patinoire de l'île Lacroix. Que veut dire Ilves en finnois? Tigre, requin, lynx. Maintenant, la bonne réponse. Regardant les vagues et réfléchir à cette colère, ramassant des algues, je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Recevoir un message, mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce t'attends? Ça me fout la rage. Hey boy, staring at the sky, and I see you. J'aimerais t'en serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Hey. Étranger, j'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt meurt. Héloïse, avec un Z comme Zorro. Hey bro, sur France Bleu Normandie. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Barentin, Philippe. Philippe, on joue avec nos dragons de Rouen. Le match contre Gap, c'est la Ligue Magnus hein, qui jouera patinoire Nathalie Péchena, 20h. Déjà ce soir, il y a la réception à domicile de Ilves Tampere, ces Finlandais. Patinoire de l'île Lacroix qui sont là pour, eux, jouer quelque chose en Coupe d'Europe. Nous, c'est déjà terminé, malheureusement. Que veut dire Ilves en finnois? Rappelez-moi, Philippe, c'est les tigres, c'est les requins ou c'est les lynx? Lynx.

suis dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter. Que tu m'aimes encore, c'est le titre de la chanson, hein. C'est Céline Dion sur France Bleu Normandie. Énorme tube bien sûr, des titres collecteurs comme ça, Nicolas Lespaul, on a plein sa musette, il vient avec elle chaque soir à partir de 23h sur France Bleu Normandie, et ce jusqu'à 1h du matin. Nous on a rendez-vous avec la météo de demain, la route de ce soir dans quelques secondes, et puis Pascal Vaillant pour l'actu cinéma. Il y a un Scorsese qui est en salle depuis ce matin, figurez-vous. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Normandie, ici, on parle d'ici. La météo 100% locale avec les meubles Tronel à Yvetot. 46 ans d'expérience. Meubles, salons et literies, 2000 mètres carrés d'exposition. Plus d'infos sur meubletronel.fr. La météo pour demain, encore un ciel très perturbé. Voilà ce qu'annonce Météo France avec pas mal d'averses. On attend une bonne 10-15 de millimètres encore dans les cumuls de pluie, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Je regarde de temps en temps quelques trous à du soleil, oui. Et puis ces températures qui sont douces. Le matin, on est à 14-15 degrés sur l'ensemble du territoire. Ça reste très homogène. Et puis dans l'après-midi, ça va bouger un petit peu, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on devrait rester sous la barre des 20 degrés. À hauteur de 15-16 heures demain, on devrait avoir un 17-18 degrés entre Yvetot et Rouen, par exemple, un 19 degrés sur le secteur du Havre. La pointe de Caux et ce 17 retombera donc 16-17 degrés sur le sud de l'Eure entre Breteuil et Évreux. Voilà pour la météo de demain. Notre route ce soir, un peu délicate, oui, aux abords de la Nationale 154, un obstacle sur le kilomètre 27 à hauteur du Vieil Évreux. C'est en sortant d'Évreux, justement, vous avez ce petit souci. Nous avons aussi sur la 13, ce véhicule en panne, direction Paris, kilomètre 118, là, à hauteur de Grand Couronne. Il faut être d'ailleurs assez vigilant. Et puis, pour nos petits soucis un peu plus classiques de centre-ville, attendez-vous à un gros coup de frein, là, toujours sur le Mont Éboudet avec les travaux. Notre Sud 3, notre Lézarde, pardon, voie rapide, la Lézarde, hauteur de Montivilliers. En montant direction Goderville, là aussi, il y a des gros travaux en ce moment qui occasionnent de bons bouchons sur

Tap de Feeling avec Justin Timberlake sur France Bleu Normandie. Pascal Vaillant, à nouveau Scorsese en salle depuis ce matin dans tous les bons cinémas normands. À qui c'est cette terre, Henri ? C'est ma terre. Un événement cinématographique aujourd'hui avec la sortie du nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, réunissant notamment Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Scorsese ou Scorsese, c'est vraiment une carrière incroyable. Un premier court-métrage il y a 50 ans, et depuis 27 films, 9 nominations aux Oscars en tant que meilleur réalisateur, même s'il n'a été sacré qu'une seule fois pour Les Infiltrés, 10 films avec Robert De Niro, et 6 avec Leonardo DiCaprio. Parle-moi de toi. J'aime les femmes. C'est mon grand péché. Scorsese a fait sauter la banque pour son nouveau long métrage en réunissant 200 millions de dollars, ce qui en fait son film le plus onéreux, devant Hugo Cabret, 160 millions, Aviator 110, Le Loup de Wall Street 100 et Gangs of New York 97 millions. Pour revenir à Killers of the Flower Moon, qui aurait dû sortir directement sur la plateforme Apple TV, mais qui finalement, grâce à Paramount, sort au cinéma, c'est l'adaptation de l'ouvrage éponyme écrit par l'Américain David Green et sorti en 2017. Pour l'histoire, au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent aux sages que possible avant de recourir au meurtre. On a bien fait de revenir ici parce qu'ici, les Osages sont les meilleurs, les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Dans ce film, De Niro incarne un sacré salopard, si vous me passez l'expression. Il joue le rôle d'un mania du bétail, William L., omnubilé par le pétrole. Face à lui, DiCaprio, Ernest Burkhart, un homme amoureux d'une Amérindienne qui se retrouve embringué dans une conspiration tissée par son oncle, incarné donc par De Niro. Pourquoi vous êtes venu ? Je bosse avec mon oncle. Et il vous fait peur ? Non, laissez. C'est l'homme le plus gentil du monde. Autour d'eux, la révélation. Lily Gladstone, qui joue le rôle de la femme de Léo. Jess Flemons, qui incarne le Texas Ranger qui enquête sur les meurtres perpétrés sur la communauté Osage. Le livre se concentrait sur ce Texas Ranger. Scorsese a préféré mettre en avant la figure de DiCaprio, personnage mi-ombre, mi-lumière, qui doit faire face à la conspiration criminelle imaginée par son oncle. Kamikaze, c'est ce que vous êtes. J'ai rien compris à tout ça, mais je parie que ça veut dire « beau diable » en indien. La plupart des journaux notent ce film à 5, la note maximale sur le site allociné.fr. Autant dire que Scorsese nous offre encore une fois un chef-d'œuvre. Je suis envoyé par Washington, je viens voir pour ces meurtres. L'une des faces sombres de l'Amérique, mise en avant par l'un des plus grands réalisateurs américains, c'est Killers of the Flower Moon, à découvrir sans attendre au cinéma. Surtout ne fais pas une chose que tu regretterais pour le restant de tes jours. Passion d'être en salle pour voir ça. Le tout dernier Scorsese, Killers of the Flower Moon. Vous irez peut-être de le découvrir dans l'un des ciné-noé de la région, puisque j'ai le plaisir de vous offrir les places sur France Bleu, comme on le fait chaque après-midi. Les places pour les ciné-noé du Grand Mercure, Elbeuf, L'Aumière, Rouen, le Paris de Côte-Bécancour, les Arts à Montivilliers, le Grand Large de Fécamp, les Arches Lumière à Yvetot, le ciné de Ponto de Mer, le Palace aux Andelys, ou encore le Multirex de Bernay. On a évoqué différents gros cartons de Martin Scorsese au cinéma. Dans quel film de Scorsese d'ailleurs, Léo DiCaprio jouait le rôle d'un trader inspiré de Madoff? Dans quel film de Scorsese Leonardo DiCaprio jouait un trader inspiré de Madoff? Pas franchement une personne très sympathique d'ailleurs. Gangs of New York ou Le Loup de Wall Street? Vous avez le choix entre ces deux succès de Scorsese. L'une des deux propositions est la bonne. Dans quel film de Scorsese Léo DiCaprio joue un trader? Gangs of New York ou Le Loup de Wall Street? 02 35 07 66 66. Dance All Days. Voici Wang Chung sur France Bleu Normandie. Et les places de ciné, dans 3 minutes, elles sont pour vous. Take your baby by the hand. Make it do a handstand. Take your baby by the heel. Do the next thing that you feel. We were so in phase. In a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all days long. Take your baby by the hair and pull her close and there. your babies by the ears and play upon her darkest fears. We would stop in place in a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. Baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her rest you sapphire blue, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you. And you need her, and she needs you. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew to believe, do, and share in what was true. Oh, I said, days long. Dance All Days avec Wang Chung sur France Bleu Normandie. Pour Christine qui arrive à Fresnes-sur-Isle. Bonjour Christine. Absolument. Bienvenue. Bonjour. Sur France Bleu, je suis ravi de vous avoir au téléphone. Ma chère Christine, j'ai deux places de ciné, oui, à vous offrir pour le cinéma Noé que vous aurez choisi parmi la longue liste à Pont-au-de-Mer, oui. Ben voilà, pour le ciné, tout simplement. Ou à Bernay, voilà. Et tout nouveau ciné d'ailleurs qui s'appelle le Multirex. J'ai le plaisir de vous offrir ces deux places si vous me dites, parce qu'il y a une petite question quand même, au sujet de Martin Scorsese. Il est dans l'actualité parce que sort depuis ce matin Killers of the Flower Moon, son tout dernier long métrage, avec Leonardo DiCaprio qu'il avait déjà fait tourner dans le rôle d'un trader qui était inspiré de Madoff, qui était surtout inspiré d'une autobiographie de Jordan Belfort, en l'occurrence, un monsieur qui avait sévi dans les rues de New York. Alors le film en question, c'est Gangs of New York, justement, ou Le Loup de Wall Street ? Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street, tout à fait. Et ben, j'ai le plaisir de vous offrir ces deux e-billets, ma chère Christine, pour profiter du film de votre choix. Vous avez jusqu'à 2024, le 30 juin 2024. Donc, c'est pas mal déjà. Ouais, ça laisse du temps. Ça laisse un petit peu de temps. Il y a deux, trois films. Absolument. À voir d'ici là. Ok, Christine, oui. Bon film, amusez-vous. Merci. Bien. À bientôt, au revoir. Entendu. Bonne soirée, au revoir. Nos coulisses télé avec vous, Patrice Gascoigne. Grosse plan sur le retour de l'excellente série policière de France 2 qui s'appelle Les Invisibles. Les Invisibles sont de retour pour une saison 3 ce soir sur France 2. Dans la profusion des séries policières, celle-ci ne la manquait pas. Les Invisibles, primée au festival Sériemania, a reçu le prix de la meilleure série policière pour sa qualité, sa crédibilité. Prix décerné par les professionnels de la sécurité intérieure. Si vous ne la connaissez pas, Les Invisibles, c'est une brigade. Une brigade qui est sollicitée pour des crimes laissant des corps sans identité, des corps que personne ne semble rechercher. Eh bien, la mission de cette brigade est de comprendre qui est cette victime et aussi comprendre qui l'a tuée. Et ils n'ont que 7 jours, le délai légal, pour répondre à ces questions. Le héros à la tête de cette brigade, c'est le commandant Darius, joué par le comédien Guillaume Cramoisan. Je lui ai demandé s'il avait conscience de jouer dans une série policière pas complètement comme les autres, Guillaume Cramoisan. Cette série, dont le canevas est certes un canevas policier avec des enquêtes, avec tout ce qu'il faut pour honorer un petit peu le genre policier, mais moi je trouve que ça dépasse le cadre policier pour toucher un peu plus comme une forme d'humanité en fait. C'est plus pour moi une série humaniste que policière, parce qu'on a affaire à des protagonistes récurrents, à des héros entre guillemets, qui sont pas écrasés sous une couleur de testostérone en fait. C'est plus des

Mamma Mia sur France Bleu Normandie. Quelle jolie entrée pour Carole. Carole, gagnante France Bleu. On va revenir avec elle sur un des spectacles d'hier soir, n'est-ce pas Carole? Bonjour Carole. Bonjour. Carole à Saint-Denis-sur-Scie. La semaine dernière, vous jouez avec Pascal Vaillant, Normandie Quiz, et vous gagnez vos places pour aller voir Pascal Obispo. Le concert, c'était hier soir au Zénith. Et que c'était bien, n'est-ce pas, cette tournée des 30 ans, tournée anniversaire avec France Bleu, Carole? Oui, c'était un super moment. On a passé 2 heures de spectacle donc avec Pascal Obispo et ses 12 musiciens, toujours très en forme. Et c'était vraiment très très chouette, très bons éclairages aussi, et une salle très en forme pour accompagner donc les chanteurs et les musiciens. Le placement bien, gagnant France Bleu, bien loti. Oui, bon, on est toujours bien placé avec France Bleu. C'est vrai que moi, c'est pas la première fois que je gagne des places. Et on n'est jamais déçu, on est toujours très très bien placé. Bon, Pascal Obispo était heureux de retrouver son public. Vous l'aviez déjà vu en concert, c'était la première fois? C'est fan oui, ou curiosité? Non, je l'ai vu la dernière fois. Je pense qu'il est passé à Rouen, c'était en 2019. Ouais, c'est ça, exactement. C'était au Zénith aussi, et voilà, donc je suis jamais déçue en fait. c'est quoi votre chanson de Pascal Obispo? C'est Lucie, évidemment. Ah oui, voilà. Lucie, mais j'aime aussi Fan. Ah ouais. Être fan, voilà. Elle est super, celle-ci. Il a terminé d'ailleurs le spectacle avec cette chanson. Dès qu'il revient, vous rejouez, alors, si je comprends bien. Oh, je ne sais pas si je rejouerai pour ça, mais je rejouerai, oui, bien sûr. C'était la première fois que je participais au jeu du midi avec Pascal Vaillant. Et puis, voilà, j'étais très contente de gagner des places pour Obispo. Eh ben, écoutez, je passerai le message. Voilà, il sera content lui aussi, Pascal, de voir que vous avez passé un bon moment. Merci, Carole, en tout cas. Je vous laisse reprendre, comme on dit, une activité normale. Et puis, on se retrouve très, très vite sur France Bleu Normandie, alors, d'accord? Très bien, sans souci, je vous écoute tous les jours. C'est gentil, merci Carole. Merci à vous, au revoir. Et Manon Lambert-Brunel pour nos infos, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Normandie. Mercredi, nous sommes le 18 octobre. Bienvenue sur France Bleu Normandie, il est 17h. Manon Lambert-Brunel, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Et sur la route, pour l'instant, ça va. Ouais, ça va. Il y a 2-3 petits obstacles sur les chaussées, la 151, mais ça vient d'être, on va dire, dégagé des voies de circulation. On a toujours ces zones de travaux, que sont les abords du rond-point de Madagascar sur la rive gauche de Rouen. On a le Mont-Riboudet également en direction de la 150. On a également la voie rapide, la Lézarde, hauteur de Montivilliers jusqu'à hauteur d'Épouville. Voilà, 2 km un peu délicats. Pour le reste, ça passe plutôt bien. Le 02 35 07 66 66 pour faire la route avec nous. Et la météo demain, c'est de nouveau de la pluie, Sylvain. Ouais, on a essuyé une bonne quinzaine de millimètres dans les cumuls de pluie aujourd'hui. 15 nouveaux qui arrivent dans le courant de la journée de demain, avec une alternance de soleil. Un thermomètre à 14-15 degrés le matin, c'est plutôt doux, on est d'accord. Jusqu'à 17-19 degrés pour les valeurs dans l'après-midi, ça remonte. Maintenant, la NUPES au bord de l'implosion. L'alliance des partis de gauche en crise fracturée après les tergiversations de la France insoumise suite à l'attaque du Hamas en Israël. Le Parti communiste s'est déjà prononcé pour une alliance de la gauche revisitée. Hier soir, les socialistes ont à leur tour décidé de prendre un peu de distance. Le PS, qui a voté un moratoire sur sa participation à la NUPES, finit donc les travaux de groupe avec les autres membres de l'alliance. En est-on arrivé à un point de non-retour? Gérard Leseul espère que ce n'est pas le cas, mais le député de la socialiste de la Seine-Maritime, il explique qu'il faut changer certaines choses. Il y a sur le fond un problème de méthode, un problème de ton, un problème de posture, un problème de vocifération dans l'hémicycle, et récemment, c'était la goutte d'eau, un problème d'appréciation sur la qualification de l'agression du Hamas. Fort heureusement, c'est pas la fin des discussions, c'est pas la fin d'une alliance de gauche. Maintenant, il faut qu'il y ait des changements de méthode, il faut arrêter d'avoir une agressivité à l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord. Je pense que de nombreux responsables de gauche ont reçu des tweets qui n'étaient pas respectueux des différences. Et donc, la pause, ça signifie une vraie pause. Si nous reprenons langue de manière plus formelle, il faudra qu'il y ait un changement de méthode, un changement de ton, un changement de posture et un plus grand respect de l'ensemble des partenaires d'une union. Gérard Leseul, le député de la 5e circonscription de la Seine-Maritime, il répondait aux questions de Charlotte Schumacher. La crise au sein de la NUPES, on en reparle demain matin sur France Bleu Normandie. Philippe Brun, le député socialiste de la 4e circonscription de l'Eure, sera notre invité à 8h15. Le bilan des Français tués en Israël, toujours plus lourd, quasiment deux semaines après l'attaque du Hamas palestinien. 24 ressortissants de notre pays sont morts, selon un nouveau bilan cet après-midi d'Elisabeth Borne. 7 sont toujours portée disparue. La première ministre qui a également indiqué que 3500 Français ont été rapatriés. Hier, une explosion dans un hôpital de la bande de Gaza fait plus de 470 morts d'après un nouveau décompte. Chaque camp s'accuse mutuellement d'être le responsable de ce nouveau drame. Cet après-midi, Israël a par ailleurs autorisé l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. C'est la troisième fois en moins de 5 jours. Le château de Versailles, une nouvelle fois évacué ce midi après une alerte à la bombe. Des alertes qui ne cessent de se multiplier depuis vendredi, l'attentat dans une cité scolaire à Arras, dans le Pas-de-Calais. Plus tôt dans la journée, 9 aéroports ont également dû être évacués après des menaces. C'est le cas notamment de l'aéroport de Beauvais en Picardie. Un homme de 40 ans condamné à 3 ans de prison avec mandat de dépôt. Il a été reconnu coupable de l'agression au couteau d'un autre homme au Havre. C'était mercredi dernier. Après une altercation, la victime âgée de 49 ans a été retrouvée ensanglantée rue de Verdun. Il a été blessé au cou, au dos et à l'épaule. Ses jours ne sont pas en danger. Les deux hommes se connaissaient et étaient alcoolisés au moment des faits. Pour répondre à la hausse des prix du carburant, Total Energy va maintenir le plafonnement de ses tarifs à 1,90€ le litre en 2024. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui fait également des annonces concernant l'immobilier. Le prêt à taux zéro sera augmenté et étendu l'année prochaine à plus de ménages et plus de villes. Son montant maximum passera de 80 000 à 100 000 euros. Et puis certains bateaux ont fait leur entrée aujourd'hui dans le bassin Paul Vatine au Havre. À leur bord, les skippers qui prendront le départ de la Transat Jacques Vabre dans 12 jours. Nous serons sur l'un de ces bateaux dans le journal de 18h. La météo 100% locale avec les meubles Tronel à Yvetot. 46 ans d'expérience. Meubles, salons et literies, 2000 m² d'exposition. Plus d'infos sur meubletronel.fr. Bon Sylvain, le parapluie qu'on a pris ce matin, on le laisse bien au fond de son sac pour demain. Oui, ça peut servir, il faudra l'essorer un petit peu avant, un peu, oui. On est d'accord. Mais oui, demain, on risque d'avoir encore quelques averses, une bonne quinzaine de millimètres dans les cumuls de pluie, entrecoupées de quelques petites périodes ensoleillées, une météo un peu chaotique parce qu'il y aura encore du vent autour de 70-75 km/h ce vent de sud qui va balayer donc l'Eure et la Seine-Maritime. Les températures demain matin, la douceur, ça continue de remonter les valeurs, rien à voir avec le début de semaine, on va avoir un droit à 14-15 degrés demain au réveil. Un peu partout sur l'ensemble de la région, à 15 degrés qu'on retrouvera d'ailleurs au Havre, à Rouen, 14, un peu plus de fraîcheur sur Évreux, les Andelys ou encore Yvetot, on tombera à 13 sur le secteur du Pays de Bray. Et puis dans l'après-midi, le thermomètre qui va grimper à des valeurs que nous connaissons un peu ces derniers temps, c'est-à-dire un 17-19 degrés, donc c'est plutôt pas mal, un 19 degrés sur le Havre au cœur de l'après-midi, on aura un 18 dans Rouen et un 17 degrés sur Évreux. Voilà ce qui est annoncé pour cette journée de jeudi et nous on se retrouve tout à l'heure à 18h pour les prochaines infos. À tout à l'heure Manon, je regarde la route également, vos difficultés ce soir autour du Havre, la Lézarde, comme depuis quelques jours maintenant parce qu'il y a des travaux sur la voie rapide depuis Montivilliers jusqu'à hauteur d'Épouville. Ça risque de vous faire ralentir ce soir. Il y a aussi pas mal de monde sur le boulevard Gambetta. On a également un petit coup de frein sur le boulevard des Cités-Unies, le sud de la ville et puis notre centre de Rouen comme souvent. Montriboudet, sud 3, 02 35 07 66 66 pour faire la route ensemble. 17h06. Le 16-19, France Bleu Normandie. Sylvain Geffroy. C'est le Normand qui est allé le plus haut dans le ciel. Il s'appelle Thomas Pesquet. Ouais, Thomas Pesquet, le célèbre spationaute qui sort aujourd'hui un livre qui s'appelle tout simplement Ma vie sans gravité, où il raconte comment est-ce qu'il a eu l'envie de se lancer dans une carrière d'abord de pilote de ligne et ensuite de tutoyer les étoiles. Thomas Pesquet, je cherche un Normand qui tout simplement l'a côtoyé entre Dieppe et Rouen lors de sa vie en Normandie. C'est peut-être vous, ce Normand, cette Normande. Rendez-vous dans une petite demi-heure maintenant, 02 35 07 66. 66, vous pouvez vous inscrire. Anne vous attend au standard de France Bleu Normandie dès maintenant. Lui, il est à Rouen. C'est un ambassadeur, mais pas n'importe quel ambassadeur, de la République de Montmartre. C'est le Normand du bout du coin, rencontré par Fred Romanuc à Rouen. Il s'appelle Fabien, c'est juste après Coldplay. Ici, c'est France Bleu Normandie 100% local avec LM Communication. Stylos, mugs, sacs, textiles, objets, cadeaux personnalisés, nous avons ce qu'il vous faut chez LM Communication. Venez découvrir notre gamme complète sur lmcommunication.com. Martin et Coldplay avec Viva la Vida. Plus ça va, plus on se rapproche de 2024 et de la sortie de Moon Music. C'est le tout dernier album de Coldplay qui est annoncé d'ores et déjà. France Bleu Normandie. Passe aux Normands, du bout du coin. Les Normands du bout du coin, Fred Romanui qui est à Rouen cette semaine en compagnie d'un ambassadeur aujourd'hui. Attention à ses pions. Elle est longue, la rue du Renard à Rouen, et quand on s'appelle Fred, on se gare à un bout avant de se rendre compte que c'est à l'autre bout qu'on nous attend. Pas grave, on va marcher un peu, ça nous débouchera les artères. 138. D'autant qu'on va pas voir n'importe qui aujourd'hui, c'est chez Fabien qu'on va, quelqu'un d'important. 138C. On finit par trouver. C'est là ? Fabien nous attend sur le perron de sa grande maison. Ah ! Ah, tu t'es mis en uniforme et tout. Monsieur l'ambassadeur. Vous avez bien compris. Salut. Comment tu vas? Ça va bien, merci. C'est quoi ce truc que t'arbores là? Alors, c'est ma médaille de ambassadeur de la République de Montmartre. Monsieur l'ambassadeur de la République de Montmartre. S'il vous plaît. Eh oui, voilà, voilà, eh oui. Nous sommes dans la résidence d'un ambassadeur. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Un chocolat? All that glitter. Il va falloir que tu me racontes quand même. Je vais te raconter. Bienvenue. Je savais que Montmartre était une république. Voilà. Mais je ne savais pas que nous avions un ambassadeur à Rouen. Je pense qu'on est deux. Bon, il y a un consul alors. Il doit y avoir un consul. Toi, t'es l'ambassadeur et l'autre, c'est un consul. Voilà, il y aura bientôt un député. Et puis, mais voilà, je suis ambassadeur depuis 2 ans maintenant. Ce qui m'a touché dans la République de Montmartre, c'est le slogan. Le slogan, c'est « Faire du bien dans la joie ». Voilà. La République, c'est une organisation à la fois potache et très sérieuse, fondée en 1921. Il faut leur dire à ceux qui tombent des nues, là, que c'est pas une vraie République, hein, on rigole. Mais non, on rigole. Alors, on a des papiers officiels, etc., mais c'est du grand folklore, mais passeport, bien sûr. Et le président, c'est qui? Il y a un gouvernement, donc il y a un président, des ministres, et puis, voilà, le président, c'est un Parisien. Et les ambassadeurs, c'est quoi leur rôle? Et les ambassadeurs, nous, notre rôle, c'est aussi de rayonner, de faire connaître... Le pinard de Montmartre. Le pinard de Montmartre. Donc, je vous invite tous, le week-end du 13 octobre, donc c'est bientôt. Sauf qu'on est diffusé le 18. Ok, tant pis, parce que c'est les vendanges de Montmartre. La République de Montmartre a aussi son 14 juillet, voilà. La fête des vendanges. Voilà. Ah, c'est pas de chance, vous avez raté les vendanges. On vient de faire les vendanges, c'était une superbe fête. Donc l'année prochaine, vraiment, je vous invite à venir parce que c'est vraiment une superbe fête. Ça, c'est l'hymne de la République de Montmartre. Il se situe où, le gouvernement? Le gouvernement se situe dans un restaurant qui s'appelle La Bonne Franquette. Ah, mais je le connais! Voilà, donc c'est un chouette restaurant qui fait un angle là, en plein Montmartre, et c'est vraiment toujours un plaisir de se retrouver là, où on boit, on chante et on mange. C'est votre palais de l'Élysée, quoi. Ouais. Comment tu t'es retrouvé là-dedans, étant rouennais, toi? Et bien, j'ai un ami qui est camerounais, qui lui est ambassadeur aussi. Alors, je ne me demande pas comment il s'est retrouvé ambassadeur, je ne sais pas. Comment il s'est retrouvé ambassadeur? Donc, je ne sais pas. Ah, mais non, ça m'arrange pas, ça. Je ne sais pas. Et donc, il m'a dit, ah, bah tiens, toi, avec tout ce que tu fais, tu as le profil effectivement d'ambassadeur de la République de Montmartre. Toi, tout de suite, t'as été flatté. Ouais, ouais, oui. Et puis moi, je trouvais ça assez sympa d'avoir ce rôle de voilà, tu es le représentant sur un territoire donné d'une association, d'une république. C'est pas tous les jours qu'on est ambassadeur d'une république. En tout cas, il sait recevoir, Fabien. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Tout à fait d'accord. Je vous avais dit qu'on serait bien reçu. Merci Fred Roman Wickel. À Rouen cette semaine, les Normands du bout du coin, les talents normands, c'est à l'honneur cette semaine. Et c'est à retrouver également sur francebleu.fr, sur l'appli ici. Demain, on reste à Rouen. On sera chez Marie. Marie, elle a fait le tour du monde en courant. Et nous, dans quelques secondes, on vous offre des places. Les dernières, ne cherchez pas, il n'y en a pas à la vente. Pour le HAC Lens, c'est vendredi soir au stade Océane du Havre. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants ? Et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Vous écoutez le 16-19, France Bleu Normandie. L'infotrafic 100% local avec plein air Normandie, exposition vente de camping-cars, fourgons et vannes aménagées, zone commerciale de Sainte-Marie-des-Champs à Yvetot. Info sur plein-air.fr. Circulation de mercredi, il y a un petit peu moins de monde, donc ça va globalement bien dans nos autres villes. Il y a les zones de travaux que vous connaissez habituellement qui posent un petit peu problème ce soir. On se méfie d'un poids lourd en panne également sur la 28. C'est Laurent qui nous l'a signalé. Nous sommes dans le sens Rouen-Neuchâtel, dans la descente des Haillons. Voilà, sur la bande d'arrêt d'urgence, il y a une mauvaise visibilité. Dû aux conditions météo également et à la nuit qui tombe. Merci à Laurent, 02 35 07 66 66. Par le biais de ce numéro, il nous a contacté. Laurent, c'est la ligne Infotrafic France Bleu, Normandie, Poix-Lourdes en panne, dans le sens Rouen, Neuchâtel, dans la descente des Haillons. Soyez prudents. 17h17. C'est le match de ce mois d'octobre, c'est le match que tout le monde attend, c'est la réception du RC Lens sur la pelouse du stade Océane du Havre vendredi soir, c'est à 20h. savoir, la soirée sera complète, en tout cas affichée complète au Stade Océane. Il n'y a plus de place à la vente pour ce match exceptionnel, et donc les dernières places, elles sont à gagner toute cette semaine sur France Bleu Normandie. Le HAC, les Ciels et Marines, qui veulent repartir du bon pied après deux matchs moyens bof et des défaites surtout, et puis Lens qui était sur une bonne dynamique juste avant la trêve internationale. Voilà pour les enjeux de cette rencontre. Il faut savoir que Franck Hayes, l'entraîneur du RC Lens, est un Rouennais en l'occurrence. Ouais, il est né à Mont-Saint-Aignan, une carrière de joueur qui est passé par plusieurs clubs. Il a d'ailleurs vanté les mérites de nos Ciels et Marines en conférence de presse pas plus tard que ce matin. Écoutez. C'est une équipe qui a bien travaillé avec son entraîneur, avec le staff, avec le club depuis déjà l'an passé. Très impressionnante et très solide dans toute sa saison de Ligue 2, qui est bien repartie, là, qui vient de faire deux matchs plus difficiles, mais aussi contre des adversaires de grande valeur, qui a des ressources, avec les capacités aussi à se projeter. En tout cas, je sais qu'on aura, j'en doute pas, un match difficile. Et une victoire à Brest au bout. Désolé, Franck Hayes. Carrière de joueur donc qui est passé par plusieurs clubs. Mais il y en a un qui a marqué la carrière de Franck Hayes, puisqu'il y est retourné au début des années 2000, après un premier passage dans les années 90. Ce club est surnommé, les joueurs en tout cas, les Tangos. C'est Laval, c'est Angers, c'est Beauvais. 02 35 07 66 66. Une carrière de joueur pour Franck Hayes, l'entraîneur du RC Lens, qui est passé par deux fois auprès des Tangos dans les années 2000 et dans les années 90. Les Tangos, c'est Laval, c'est Angers, c'est Beauvais. La bonne réponse maintenant va voir le HAC Lens vendredi soir, Stade Océane du Havre. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Avec Flowers sur France Bleu. Et Noé que l'on retrouve au Havre. Bonsoir Noé, bienvenue sur France Bleu Normandie. Bonsoir. Le match, le Hac-Lens, c'est le match à guichet fermé, c'est le match que tout le monde attendait. Et c'est une chaude ambiance pour la réception des 100 et or vendredi soir. C'est à 20h. Ça va être juste une folie. J'ai le plaisir en tout cas de vous offrir ces places pour aller applaudir Lens et le Havre dans cette belle confrontation avec un entraîneur normand d'ailleurs sur le banc des 100 et or, Franck Hayes en l'occurrence, qui est passé par le FCR d'ailleurs au passage, et qui est passé aussi dans sa carrière de joueur avant celle d'entraîneur par plusieurs clubs. Il en a fait notamment deux passages dans les années 2000 et les années 90 chez les Tangos de Laval, de Angers ou de Beauvais. Alors Noé, C'est Laval, ouais, tout à fait. C'est gagné, surtout. Noé, il y a deux places pour le Hac-Lens. Ça va être la folie, je pense, vendredi soir à 21h. Allez le Hac, allez les Ciels et Marines, il faut repartir du bon pied en Ligue 1 et casser la dynamique lensoise, si possible. C'est voilà. Ça. Rien que pour ce match-là. Salut Noé, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Deux autres places à gagner pour la rencontre. Ça sera tout à l'heure à 18h20 sur France Bleu Normandie. Voici Michel Berger, Mademoiselle Chang. Loin de ses origines, de son histoire, elle cherche à perdre la mémoire. Loin de la mousson et du ciel bleu noir, dans un monde qui n'a rien. Mademoiselle Cheng avec Michel Berger sur France Bleu Normandie. Le temps de demain, toujours pluvieux. La route ce soir avec quelques travaux, quelques bouchons. On va faire le point sur tout ça dans quelques secondes et puis surtout s'intéresser à un Normand qui a croisé la route de Thomas Pesquet en Normandie, de Dieppe à Rouen. Il vient de sortir son nouveau livre Ma vie sans gravité aux éditions Flammarion aujourd'hui. 16e édition, mais 30 ans d'aventure pour la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. Pour cet anniversaire, 17 skippers normands prendront le large pour cette route du café 2023, destination la Martinique. 4 classes, 4 parcours, 4 duos vainqueurs. France Bleu Normandie s'installe au Havre autour du bassin Paul Vatine. Ce week-end, 10h-12h30 et 16h-19h. Respirez les embruns avec France Bleu Normandie, la radio partenaire de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Normandie, ici, on parle d'ici. La météo 100% locale avec les meubles Tronel à Yvetot. 46 ans d'expérience, meubles, salons et literies, 2000 mètres carrés d'exposition. Plus d'infos sur meubletronel.fr. La météo pour demain, pas de grosses surprises. La pluie qui est attendue après cette journée aujourd'hui très grise. Demain, encore une fois, un ciel assez chaotique avec entre les deux quelques apparitions du soleil. Ce sera, je pense, un jeudi un peu plus lumineux qu'aujourd'hui, mais une bonne dizaine, quinzaine de millimètres encore dans les cumuls de pluie. Voilà ce qui est annoncé par Météo France. Je regarde les températures de demain matin. La douceur qui persiste et signe à 14-15 degrés demain entre le Pays de Caux et le bord de Seine. Dans le sud de l'Eure, on retrouvera ce 14-15 degrés entre Breteuil et Évreux. Et un peu plus de douceur sur le littoral avec un thermomètre qui devrait se stabiliser à 15-16 entre Dieppe et Le Havre. Pour l'après-midi, les valeurs, écoutez, elles sont annoncées à 18-19 degrés sur les plages de Normandie autour de 16h demain. Un 17 degrés qu'on retrouvera sur le secteur d'Yvetot. Aux abords du Pays de Braye, Neufchâtel, je pense à Forgeso également, un petit 16 degrés, un 18 dans les rues de Rouen et un 17-18 degrés également entre Évreux et Vernon. Voilà le thermomètre assez compact et homogène entre nos deux départements pour notre après-midi de demain. Notre route ce soir, les difficultés, elles sont attendues aux abords des zones de travaux habituelles. Et elles sont là encore une fois ce soir. Notre Montréboudet depuis le Théâtre des Arts quasiment sur les trémies, c'est très compliqué de passer sur la rive droite en direction de l'ouest de Rouen. J'ai du monde aussi sur le sud 3 direction Rouen, direction A13 également. C'est jusqu'à Petit-Couronne que vous avez une circulation très tendue. Ça passe également par le boulevard industriel, c'est bouchon. Tout le secteur de Sotteville-lès-Rouen en direction du pont Mathilde et puis notre boulevard Lénine, comme souvent, ainsi que le plateau Est. Voilà pour la situation rouennaise. Aux abords d'Évreux, toujours nos difficultés sur le sud, boulevard Gambetta, boulevard des Cités-Unies, et puis Le Havre, souvent depuis quelques jours avec les travaux, de gros bouchons à attendre sur la voie rapide, la Lézade, celle qui vous emmène vers Ameuville-Épouville. Vous avez là encore 2 kilomètres bien délicats. L'arrond-point de la Brèque, ça a l'air d'être un peu costaud ce soir, mais si vous passez pas trop tard, ça devrait pas être trop gênant sur votre temps de parcours habituel. Et puis aux abords du bassin Paul-Vatine, qui accueille déjà les premiers bateaux de la Transat Jacques Vabre. Il y a aussi pas mal de circulation, le quai Frissard notamment, ou encore le quai Colbert avec les travaux de la gare. 02 35 07 66 66, vous êtes nos yeux. Un certain Thomas Pesquet se prépare à sortir ce livre, Ma vie sans gravité. C'est aux éditions Flammarion. C'est un livre très attendu. C'est notre Normand préféré, en tout cas celui qui était le plus haut dans l'espace. Par deux fois d'ailleurs, au sein de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Je cherche un Normand qui, ce soir, a croisé la route de Thomas Pesquet quand il était en Normandie, de Dieppe où il s'est construit jusqu'à Rouen où il a fait ses études. Vous avez peut-être eu l'occasion de discuter avec lui, de jouer à un sport avec lui dans un club, par exemple, 02 35 07 47 66 66. N'hésitez pas à venir nous retrouver, ou alors tout simplement à lui vendre une baguette de pain. Voilà, les boulangers de la région diépoise. Je vous attends. 02 35 07 66 66. Après Stéphane Eicher, voici Two People in a Room sur France Bleu Normandie. Et ensuite, on discute. Cut down to the bone. Leave me all alone. Cause a knife is too sharp. A knife is too sharp, baby. I didn't make you. You took away my blues. But I don't wanna find love. Just like me, but here they come, these waves of fear, cause I know. Stéphane Eicher, Two People in a Room sur France Bleu Normandie. C'est le petit bavardage qu'on s'octroie ensemble chaque soir sur France Bleu Normandie en direct. On cherche un Normand qui. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un livre qui est sorti dans toutes les bonnes librairies, aux éditions Flammarion. Vous avez peut-être vu passer ce petit message d'ailleurs sur vos réseaux sociaux. Bonjour, c'est Thomas Pesquet. Je suis heureux de vous parler aujourd'hui de mon livre « Ma vie sans gravité » qui va sortir aux éditions Flammarion. Ce livre, c'est l'histoire de mes missions spatiales. Toute la trajectoire qui m'a emmené depuis ma jeunesse en Normandie jusqu'au pas de tir à Baïkonour, à Cap Canaveral. Comment ça s'est passé? Je voudrais vous emmener avec moi dans cette aventure. Et j'espère que la lecture vous animera autant que l'écriture m'a animé. Voilà pour le dernier livre de Thomas Pesquet. Alors, 45 ans, il a décidé de se raconter. Le plus jeune Européen recruté d'ailleurs comme astronaute à l'âge de 31 ans. C'était le plus jeune Français à s'envoler pour la Station Spatiale Internationale. Tout est parti d'une photo, c'est ce qui est écrit dans le livre. En l'occurrence, c'est installé dans une sorte de vaisseau spatial en carton fabriqué par son père, alors qu'il avait que 2 ans, qu'il a vu cette photo et il avait déjà cette envie d'ailleurs, c'est ce que raconte son papa, mais c'est qu'en 2008 qu'il a eu vraiment l'idée de se professionnaliser, en tout cas en la matière. Thomas Pesquet, qui est allé déjà 2 fois dans la Station Spatiale Internationale, son premier retour à bord de la capsule Soyouz, c'était en 2017, et à l'occasion de ce retour, il était passé par la Normandie à l'hôtel de région. On avait eu le grand plaisir de croiser sa route. Je cherche des Normands qui, eux aussi, ont déjà croisé la route de Thomas Pesquet, que ce soit à Dieppe ou à Rouen. N'hésitez pas à vous faire connaître au 02 35 07 66 66. On a, je crois, j'ai vu tout à l'heure sur la page Facebook de France Bleu, un certain Vincent qui a joué au basket avec lui au basket club de Dieppe. C'est plutôt sympa. Nous, on avait eu l'occasion de le rencontrer avec Coralie Moreau et nous parlait justement de ce retour en Normandie. Thomas Pesquet, c'était en 2017. Oui, un petit peu. C'est toujours un peu spécial pour moi de revenir ici, d'autant que j'ai pas l'occasion de le faire très souvent. La Normandie, Rouen, Dieppe, c'est mes racines. Hein. C'est vraiment là que j'ai passé les premières années de mon existence avant de prendre mon envol au sens propre comme au sens figuré pour aller devenir ingénieur en aéronautique, puis pilote, puis astronaute. Mais c'est ici que j'ai une grande partie de ma famille. C'est ici que j'ai tous mes amis d'enfance. Que j'ai toujours plaisir à retrouver au moins une fois par an. Voilà les confidences de Thomas Pesquet lors de sa première descente sur Terre, si je puis dire, avant de repartir dans les étoiles. Thomas Pesquet qui n'en a pas fini avec la conquête spatiale, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans ce livre « Ma vie sans gravité » sorti aux éditions Flammarion aujourd'hui. Il évoque également le deuxième vol à bord de la navette spatiale SpaceX et de sa rencontre avec Elon Musk, le célèbre homme d'affaires qui avait d'ailleurs salué, il dit ça d'ailleurs dans le livre, à Cap Canaveral en Floride, salue uniquement les conjoints des membres américains de l'équipage qui avaient ignoré complètement les compagnes des autres. American First, mais bon, il paraît que c'est un grand expert des relations sociales. Voilà, c'est ce qu'a dit Thomas Pesquet, de manière un peu ironique, il mâche pas ses mots, notamment sur France Bleu Normandie. Et on l'avait interrogé en 2017 avec Coralie Moreau, justement, sur la Pesquet-mania, et voilà ce qu'il nous racontait à l'époque. J'ai pas vocation de devenir célèbre. J'ai rien à vendre. Hein. J'ai pas d'album ou de livre à vendre. Parcours quand même. Oui, non, mais je pense que c'est bien, mais c'est pas l'important. C'est pas que tout ça se cristallise autour de moi. C'est qu'on parle de choses importantes. C'est qu'on parle de science. C'est qu'on parle de protection de l'environnement. C'est que moi, ce que je dis aux jeunes quand je m'adresse à eux, c'est pas regarder comme je suis formidable. On peut faire plein de trucs dans la vie. Il faut y croire, etc. C'est ça qui est important, je pense. Ouais, on a Céline sur la page Facebook de France Bleu Normandie, dont la fille rêve de le rencontrer parce qu'elle a pour projet de travailler un jour pour la NASA ou pour l'Europe de l'espace et peut-être la station SpaceX. Elle fait des études en tout cas dans ce sens. On va saluer Céline sur la page Facebook de France Bleu Normandie et refermer donc le livre de Thomas Pesquet, Ma vie sans gravité, avec 2001 Odyssée de l'espace qui arrive juste derrière nous. Merci à Strauss. Ça ferait plaisir à Thomas Pesquet en tout cas. Qui n'avait pas de livre à vendre en 2017, c'est le cas aujourd'hui. Ma vie sans gravité nous raconte sa jeunesse en Normandie jusqu'à la conquête spatiale et c'est pas fini. Comment renoncer à aller encore plus loin? C'est ce qu'il dit également dans ce livre qui vient de sortir aujourd'hui aux éditions Flammarion. Pas de Normand qui est avec nous ce soir. J'espère qu'on aura un nouveau Normand qui sera peut-être vous dès demain. Ed Sheeran, voici Bad Habits sur France Bleu. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. sending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring. Variation, c'est le dernier projet de Ed Sheeran sur France Bleu Normandie, en tout cas avec Bad Habits, c'est l'un de ses gros tubes sur France Bleu. Des tubes, il en a à l'appel, ça fait 40 ans qu'on a ses chansons dans la tête. Il s'appelle Francis Cabrel. Il sera ce soir pour le Troubadour Tour au Carré des Docks du Havre. Francis Cabrel, qu'on a eu le plaisir de rencontrer lors du redémarrage de cette tournée, c'est juste après cette longue période de Covid, c'était au Zénith de Rouen. On aura l'occasion, et vous aurez l'occasion de l'entendre, de revivre cette interview, c'est dans un instant, juste après un coup d'œil sur la route. Vous écoutez le 16-19, France Bleu Normandie. L'infotrafic 100% local, avec plein air Normandie, location de fourgons aménagés pour deux et camping-car jusqu'à 7 personnes. Zone commerciale de Sainte-Marie-des-Champs à Yvetot. Info sur plein-air.fr. Un poilu en panne sur la 28, nous sommes en direction d'Abbeville, hauteur d'Esclavel, kilomètre 64. Ça nous a été signalé tout à l'heure par Laurent, ça nous a été confirmé par les services de la SAPN. Je regarde la Nationale 154, également la route de Louviers. On a un poilu en difficulté dans la descente vers Évreuste, au kilomètre 9, hauteur de Moiseville. Et puis sur la 13, également annoncée hauteur de Taute, le kilomètre 101, avec des produits sur la chaussée. Une route rendue très glissante, c'est sur la direction de Paris. Il y a notamment une voie qui est concernée, hauteur de Taute, donc dans le département de l'Eure. 02 35 07 66 66, on fait la route ensemble. Et avec Francis, bien sûr. Une question d'équilibre. On a choisi celui-ci, tiens, pour se mettre en bouche. L'interview qui arrive dans un instant. Je suis tout seul ce soir. J'ai les bras collés au comptoir. J'ai les pieds en bas dans la poussière. La tête là-haut dans le brouillard. Dans tous les couloirs, j'ai cru revoir les courbes de ton corps. Dans toutes les salles. Question d'équilibre. Quand t'es parti, ça m'a coupé les ailes. Depuis, le plancher m'appelle. Le plancher m'appelle. Le plancher. Toi dans les grandes glaces, entre les bouteilles de Southern Comfort. J'ai besoin de toi pour vivre, c'est une question d'équilibre. Quand t'es parti, ça m'a coupé les ailes. Et depuis, le plancher m'appelle. Le plancher m'appelle. Le plancher. Je veux dormir en essayant de croire que c'est encore un de tes retards. Mais tous les autres m'agacent, ceux qui parlent haut, ceux qui parlent fort. Je ne vois que toi dans les grandes glaces, entre les bouteilles de Francis Cabrel, question d'équilibre sur France Bleu Normandie. Le 16-19, France Bleu Normandie, Sylvain Geffroy. Bonjour Francis Cabrel. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour France Bleu Normandie. Ce dernier album à l'aube revenant, il est magnifique. Alors, j'aimerais qu'on écoute trois titres sur lesquels j'aimerais vous faire réagir. On y va ? Allez-y. C'est parti. Rockstar del medio d'age, senda balendez-vous. Mes 140 chats, ronronnent et font du gras, la tête entre les pattes. J'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. Voilà pour quelques chansons de ce bel album. À l'aube revenant, j'aimerais qu'on s'intéresse déjà à la toute première, parce qu'on parle des troubadours dans cette chanson, et puis on parle aussi en occitan. Tout ça est très important pour vous, je crois, Francis Cabrel. C'est la première fois que vous chantez en occitan, je crois. Oui, c'est la première fois. Oui, ça fait des années qu'on essayait de me convaincre, et là, j'ai enfin consenti, disons. Enfin, je me suis rendu compte de l'importance de ce problème chez nous. Ouais. Et je pense même un peu partout dans les régions françaises, c'est-à-dire que les langues d'origine sont un peu foulées aux pieds et soit oubliées, soit vraiment à la limite de disparaître. Donc là, avec cette chanson, je voulais mettre un peu la lumière sur ceux qui se battent pour les garder vives. On a entendu les 140 chats aussi, la chanson pour Jacques Dutronc en l'occurrence, qui vous a inspiré, qui continue de vous inspirer, qui vous rejoindra peut-être sur scène, sait-on jamais, dans cette tournée. Je doute. Ouais. Oui, c'était un personnage qui m'a beaucoup marqué pendant mon adolescence, parce qu'il est arrivé avec sa dégaine super relâchée, quoi, complètement à côté, maniant l'ironie, c'est pas le chanteur qu'on attend, quoi, espèce de détachement par rapport au métier que je trouve qu'il faut retenir, parce qu'il faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Mais il faut aussi écrire des belles chansons. Alors, chanson hommage pour son papa, on a entendu la trompette de Claude Egea qui est enregistrée dans cet album. En fait, qu'on soit deux à chanter ce titre-là, puisqu'il s'agit de mon père et moi. Et donc l'image de cette trompette qui suit comme ça là, au souffle près, celui qui chante, c'est comme le père et le fils. C'est la symbolique, quoi. Et voilà, et donc Claude l'a parfaitement fait, il est venu travailler très très dur pour coller à l'interprétation, et donc je le félicite. Et je l'embrasse. Et ben voilà. Tiens, on va aller se promener dans les rues de Rouen ce matin. On a emmené le micro de France Bleu, et puis on est allé à la rencontre des Normands et Normandes pour savoir quel était le titre de Francis Cabrel qu'ils aiment par-dessus tout. On écoute ? Allez. Je l'aime à mourir. Petite Marie. La cabane du pêcheur, par exemple. Vous aussi, la cabane au fond du jardin. Ça va être mal pris, mais ça me parle un peu. Je t'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Je sais qu'il y en a une, c'est Octobre. Il y a Octobre dans le titre, elle est magnifique. Eh ben, je l'aime à mourir. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Le grand classique, j'ai envie de dire. Waouh, je suis en train de les oublier, là. La Dame de Haute-Savoie. De Francis Cabrel. Ouais. Si, il y a La Cabane du Pêcheur. Viens t'asseoir. Oui, Petite Marie, je crois, non. Je l'aime à mourir. La Corrida. C'est une maison bleue, non ? Petite Marie. J'allais dire pareil, moi. Petite Marie. Ouais. C'est écrit ? Oh, j'en ai écouté plein. La Corrida. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Même si elle met le cafard à chaque fois, mais sinon, oui, Petite Marie. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. La Dame de Haute-Savoie. Sarbacane. Carte postale. Petite Marie. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Les murs de poussière. L'encre de tes yeux, c'est ça ? Mon père, il chantait ça tout le temps. Faut que je chante aussi ? Elle voulait trouver mieux que son chenopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir, près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil, sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Qui chante et qu'on va retrouver pour les infos dans un tout petit instant. Alors, cette petite balade dans les rues de Rouen, ça vous étonne ? On n'a rien appris, c'est Petite Marie toujours, et je l'aime à mourir. Voilà, ça vous... Oui, celle-là. Ça colle à la peau, ça. Je ne sors pas du répertoire, effectivement. Impossible, ouais. Non, non, mais effectivement, il y en a un certain nombre. Ça fait quand même 40 ans que je fais mon premier album, donc. Ouais. C'est forcément ce qui vous a fait connaître, c'est ce qui vous permet d'être voilà, aussi aimé aujourd'hui là, dans tout le pays, aussi bien dans le sud-ouest qu'en Normandie. Mais je me disais, tiens, quand on fait des nouvelles chansons, comme encore aujourd'hui, un nouvel album, est-ce qu'on se dit, ah, les gens, ils veulent encore entendre ce que j'ai fait il y a 40 ans, c'est... Oui, oui, de toute façon, on peut faire les chansons qu'on veut. Si c'est Petite Marie, non, voilà, c'est quand arrive Petite Marie, tu sens qu'il y a une explosion particulière. Les chansons nouvelles, bon, je pense qu'ils les écoutent avec politesse, certaines. Peut-être qu'il y en a qui leur plaisent, je sais pas, mais.

c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. Découvrez Feno, l'événement de l'excellence normande. Venez explorer toutes les richesses de notre région, régalez vos papilles de produits locaux, émerveillez-vous devant des spectacles sensationnels. Feno, le festival de l'excellence normande. Une expérience et des rencontres avec plus de 350 exposants. Feno, les vendredis 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre au Parc des Expositions de Rouen. Entrée gratuite. Plus d'infos sur feno.normandie.fr. Un événement organisé pour vous par la région Normandie. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Normandie. Excellent début de soirée sur France Bleu Normandie, mercredi sur le 18 octobre, 18h. Manon Lombard-Brunel, nos infos. Bonsoir Manon. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Et ce soir sur la route, on a un accident sur l'A13. Oui, sûrement dû à des chaussées rendues glissantes par la perte d'un chargement, visiblement à kilomètre 100 hauteur de Tôte tout à l'heure, en direction de Paris. À la suite de ça, un accident qui implique deux véhicules, signalé entre le kilomètre 102 et 103, donc en direction de Paris, entre Pont de l'Arche et donc Tôte. Le ralentissement est donc annoncé, on est déjà à près d'un kilomètre sur cet axe compliqué, donc kilomètre 103, 102 en direction de Paris sur l'A13. Et demain, la météo, c'est encore de la pluie. Oui, un ciel qui devrait être un peu plus lumineux. On devrait apercevoir un peu plus le soleil qu'aujourd'hui. Nous avons encore une bonne quinzaine de millimètres en cumul de pluie attendu. Et un thermomètre à 14-15 degrés le matin, la douceur. Et la douceur qui persiste dans l'après-midi, on devrait tutoyer presque les 20 degrés. Sur la pointe de Caux, par exemple, voilà pour les maximales de 17h. Demain, on y revient bien sûr à la fin de ces infos. C'est l'une des mesures phares de loi plein emploi. Le RSA conditionné est versé en échange change de 15 à 20 heures d'activité par semaine. La mesure doit entrer en application en janvier prochain. C'est déjà le cas dans l'Eure. Le département avait été choisi par le gouvernement pour expérimenter cette mesure. Alors depuis maintenant 6 mois, les allocataires du revenu de solidarité active doivent signer un contrat d'engagement. Le problème, c'est qu'un allocataire sur deux ne vient pas au rendez-vous. Alors Alexandre Rasser, le président du conseil départemental de l'Eure, brandit désormais la menace de la sanction. Vendredi, on va délibérer sur une mesure qui consiste à dire que l'allocataire RSA, il ne vient pas une fois, il ne vient pas deux fois sans bien le justifier, il est suspendu. Voilà, il est suspendu de son versement d'allocation. Ça nous semble une mesure de bon sens. Et surtout, c'est une des premières mesures qu'on prend suite à l'expérimentation en cours. C'est qu'on se rend compte qu'en effet, il n'y a que 50% des allocataires qui viennent. Et pour nous, il nous semble logique, et c'est la moindre des choses, à un moment donné, qu'il y ait une rencontre entre l'allocataire et les services pour mettre en place un accompagnement adapté. Et que s'il n'y a pas cet accompagnement adapté, qui engage à la fois l'allocataire et le conseil départemental, et Pôle emploi, et tout le monde, hein, c'est pas qu'un engagement de l'allocataire, c'est un engagement collectif, et le département s'engage à un accompagnement. S'il n'y a pas cette rencontre, il n'y a pas de versement. Alexandre Rasser, le président du conseil départemental de l'Eure, il répondait aux questions de Laurent Philippot. 9 aéroports évacués aujourd'hui après des alertes à la bombe. Évacuation à Lille, Lyon, Toulouse et Beauvais, notamment 5 jours après l'attentat dans une cité scolaire à Arras dans le Pas-de-Calais, dans l'aéroport Picard. Les vols ont repris progressivement cet après-midi. Ce matin, 1 000 de personnes ont été mises en sécurité dans un gymnase situé à proximité. C'est le cas notamment de Salvador. Il devait passer 4 jours en Italie, mais son vol a finalement été annulé. J'arrivais en bus depuis Paris et on a vu la police et militaires qui ont bloqué l'aéroport et malheureusement on est resté pendant une demi-heure dans le car et après ils nous ont déposé beaucoup plus haut au parking P4 et il s'avère que maintenant on se retrouve dans un gymnase, on a été fouillé par la gendarmerie et puis on est un petit peu parqué dans ce gymnase. Bon, on a été bien accueillis, boissons, quelques, je dirais, des petits gobelets de nouilles avec de l'eau chaude. Voilà, donc très bon accueil du gymnase. Hein. Et puis, maintenant, on attend. Des alertes à la bombe qui se multiplient, c'est le cas notamment au château de Versailles. Ce midi, il a une nouvelle fois dû être évacué. C'est la 3e fois en à peine 5 jours. Ces petits plaisantins qui s'amusent avec ces fausses menaces seront retrouvés et punis, assure cet après-midi le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Au Proche-Orient, Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. Une annonce qui intervient alors que plus de 470 personnes sont mortes hier dans l'explosion d'un hôpital gazaoui. Le Hamas palestinien accuse Israël. L'État hébreu pointe la responsabilité d'un autre groupe armé palestinien. 24 ressortissants de notre pays sont morts selon un nouveau bilan. 7 sont toujours portés disparus. C'est la 13e fois depuis sa prise de fonction. La première ministre Elisabeth Borne a dégainé cet après-midi un nouveau 49-3. Elisabeth Borne qui a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote la première partie du projet de budget 2024. La France insoumise et le Rassemblement national ont d'ores et déjà annoncé le dépôt d'une motion de censure. Reporters sans frontières annonce cet après-midi la libération du journaliste franco-afghan Murtaza Behboudi. Il était détenu depuis janvier dernier pour espionnage par les talibans. Une libération qui met fin aujourd'hui à plus de 280 jours de détention. France Bleu Normandie, 18h05, ça commence à sentir bon le début de la transat maintenant. Oui, certains bateaux ont fait leur entrée aujourd'hui dans le bassin Paul Vatine au Havre. À leur bord, les skippers qui prendront le départ de la transat Jacques Vabre dans 12 jours. Sur les 95 skippers alignés le 29 octobre, il n'en manque que 18. Lila Lefebvre, vous avez pu assister notamment ce matin à l'arrivée de Timothée Pelé à bord de son classe 40. À l'approche du bassin Vatine, le regard du skipper de 23 ans s'illumine, même la pluie ne gâche pas son bonheur. Il y a 2 ans, quand j'ai participé à la Jacques Vabre, on est arrivé en short t-shirt. Là, on arrive quasiment ciré en pull et en bonnet. Mais bon, ça n'empêche qu'on va passer de superbes moments. Pour l'occasion, Timothée Pelé a embarqué son père, Patrick, avec qui il a fait ses premières régates. C'est un petit peu impressionnant quand même, faut pas se le cacher. C'est beaucoup d'émotions, et puis on est très content de le voir partir. C'est un peu votre rêve à vous aussi, ça? Ah oui. Mais je préfère, maintenant je suis un peu trop vieux, je préfère que ce soit lui qui le fasse. En attendant, il y a embouteillage à l'écluse. Oui, ça se bouscule. Les zodiacs des organisateurs de la Transat font la circulation, l'occasion d'observer la concurrence. Faut jauger un petit peu les forces en présence quand même, et puis après il faut prier, voilà, pour arriver devant eux. Et même si Timothée est stressé, il ne laisse rien paraître. Il y a des plus beaux bateaux que d'autres, il y en a qu'on a bien envie d'affronter dès maintenant, mais on va se réserver un peu et garder un peu la niaque pour le jour du départ. Et le vôtre, il est plus beau que les autres ou pas ? Mais le nôtre, c'est le plus beau, il est incomparable. Un classe 40 tout neuf, mis à l'eau en avril, qu'il a désormais hâte de faire découvrir aux visiteurs de la Transat. Le reportage de Lila Lefebvre, le départ de la Transat Jacques Vabre, c'est donc le 29 octobre. Toutes les informations sur la course et le village de la Transat sont à retrouver sur francebleu.fr. En hockey sur glace, les Dragons de Rouen reçoivent ce soir les Finlandais de Tampere. C'est dans le cadre de la Ligue des Champions. Match sans enjeu puisque les Rouennais sont déjà éliminés. Le début de la rencontre, c'est à 20h en rugby. Cette fois, le RNR accueille Brive au stade de Diochon ce soir. C'est dans le cadre de la 8e journée de Pro D2 Rouen et pour l'instant toujours bon dernier du championnat. Le coup d'envoi de la rencontre, c'est à 21h. Et puis en football, c'est une très mauvaise nouvelle pour Alexandre Bonnet. L'ancienne star du HAC, désormais joueur à QRM, gravement blessé, il souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Il s'est blessé lors d'un match amical contre le HAC jeudi dernier. Une blessure qui signe probablement sa fin de saison, mais aussi peut-être la fin de la carrière de ce joueur de 37 ans. La météo 100% locale avec les meubles Tronel à Yvetot. 46 ans d'expérience. Meubles, salons et literies, 2000 mètres carrés d'exposition. Plus d'infos sur meubletronel.fr. Bon bah on prend son parapluie encore demain, Sylvain. Ouais, c'est la pluie qui est annoncée pour la journée de jeudi. De la pluie un peu tout au long de la journée, entrecoupée de passages ensoleillés. Ça sera, je pense, une journée un peu plus lumineuse qu'aujourd'hui. On devrait faire connaissance avec 2-3 rayons de soleil. Entre deux passages pluvieux, 10-15 mm, voilà ce qui est attendu en cumul de pluie encore une fois pour aujourd'hui. Poussé par un vent de sud-ouest autour de 70-75 km/h, donc ça va souffler sur les côtes normandes. Le littoral d'ailleurs de Normandie demain qui va afficher à 14-15 degrés. Ce sera d'ailleurs les valeurs qui sont annoncées dans les terres également du Pays de Caux, au bord de Seine, jusque dans le sud de l'Eure. L'après-midi, les températures, on a du 16 degrés pour le plus frais sur Neufchâtel-en-Bray, un 17 degrés sur le Pays de Caux, 18-19 degrés sur les galets normands de Dieppe au Havre, et puis un 18 degrés également sur le département de l'Eure et notamment le centre d'Évreux. Voilà pour la météo de ce soir. Notre route, écoutez, c'est un peu compliqué ce soir sur la 13 en l'occurrence. Je annonçais tout à l'heure, deux véhicules en direction de Paris, à hauteur de Tôtes. Après, je pense, une petite glissade, parce qu'on a signalé en amont de tout ça, kilomètre 101, des substances glissantes sur la chaussée, sûrement un chargement perdu, et visiblement un gros kilomètre de ralentissement à cette heure-ci, sur cet axe-là, entre, on va dire, le kilomètre 103 et le kilomètre 102, à la direction de Paris, donc en cause, à hauteur de la 13, 02 35 07 66 66. Vous êtes nos yeux. 18h09. Le 16-19, France Bleu Normandie. Sylvain Geffroy. Une signature, un prolongement au hack. Oui, mais de qui? Bah, écoutez, on a appris la nouvelle hier soir et notre ami Greg Godefroy dans 100% foot va nous donner la réponse à cette question. Mais quel suspense! Dans un tout petit instant, 100% foot. C'est juste après Slimane qui arrive et puis avant 18h30, deux places à vous offrir pour la rencontre de ce mois d'octobre. Le hack RC Lens, c'est vendredi soir, c'est à 21h et c'est cadeau France Bleu. Le match est à guichet fermé. Ne cherchez pas, les places sont sur votre radio préférée, en tout cas les dernières. Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. On s'en fout de leur amour, de la bienséance. Viens, on s'aime. On s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime. On est fous. Encore un jour. Parler du ciel, dire que notre histoire n'est pas belle. Prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. On s'aime, Sean Slimane sur France Bleu Normandie. Sur France Bleu Normandie, c'est 100% foot. 100% foot, c'est notre petit biscuit sport chaque soir sur France Bleu Normandie. Le débrief est avec vous, Greg Godefroy. Bonsoir Greg. Bonsoir Sylvain. Une bonne nouvelle selon vous aujourd'hui? Ouais, exactement Sylvain, une bonne nouvelle qui est tombée hier. Il est alors 17h35, je suis tranquillement dans mon canapé en train de regarder Affaires conclues parce que oui, j'aime les vieux objets. Quand tout à coup, une notification fait sonner mon téléphone. Est-ce que tu m'entends? Alors oui, ça c'est maçonnerie, je vous demanderai de ne pas juger. Non, ni c'est... maçonnerie, ni mes goûts musicaux. Mais dans tous les cas, la notification tombe. Gauthier Lioris prolonge au hack jusqu'en 2026. Et ça, ouais, Samba, parce que ça, franchement, c'est la bonne nouvelle de la journée. Parce que oui, la prolongation de notre défenseur Gauthier Lloris jusqu'en 2026, eh ben, c'est une bonne nouvelle pour le HAC. Ça prouve l'intérêt du projet en Ligue 1. Et ça va peut-être nous permettre d'y rester en Ligue 1, justement. Et en quoi c'est une bonne nouvelle, cette prolongation de Gauthier Lloris, alors Greg? Eh ben déjà parce que je viens de vous le dire Sylvain et ça devrait vous suffire normalement. Mais bon, je vais aller quand même un petit peu plus loin. Alors déjà, il faut le savoir, il est devenu totalement indispensable, un joueur clé du dispositif de Lucas Elsner. Il forme avec Haruna Sanganté la charnière centrale type de la défense havraise. Lloris, c'est même le seul joueur de champ du HAC à avoir joué tous les matchs de Ligue 1 depuis le début de saison dans leur intégralité, et le Havrais qui a touché le plus de ballons et réussi le plus de passes depuis le début de cette saison en Ligue 1. Qui veut dire qu'il touche beaucoup de ballons, qu'il en récupère pas mal, qu'on lui fait confiance et qu'on passe beaucoup par lui pour relancer le jeu. Donc autant dire qu'il est devenu un peu la plaque tournante des Ciels et Marines. Rappelons-nous aussi du dernier match, c'était face à l'OM, la défaite 3-0, et il a été l'un des seuls Havrais, si ce n'est le seul, à être au niveau de cette rencontre, à l'intensité peut-être inédite pour nos Havrais. Preuve, s'il en fallait encore une, qu'il a pleinement le niveau Ligue 1 et que sans lui, le HAC serait peut-être même encore en Ligue 2. Ouais, et cette place de titulaire incontournable, elle n'était pas gagnée pour Gauthier Lloris au départ, Greg. Hein. Ben non, clairement. Et vraiment pas du tout. Quand il est arrivé à l'été 2022, il y a donc juste un peu plus d'un an, hein, faut s'en rappeler, c'était il y a juste un peu plus d'un an. C'est surtout le scepticisme qui régnait parmi les observateurs havrais, formé comme son frère d'ailleurs, Hugo Lloris, à l'OGC Nice. Il y a fait ses débuts en pro, mais il a joué que 6 matchs, il était souvent gêné par des blessures. Il est prêté du coup au Gazélec Ajaccio en Ligue 2 pour gagner un peu de temps de jeu. Bon là aussi, il jouera pas beaucoup, alors il quitte les Aiglons pour signer à l'AJ Auxerre en 2020, où ça va mieux, il recommence à jouer, il recommence à prendre du plaisir, mais lors de la saison 2021-2022, qui voit l'AJ remonter en Ligue 1, il ne participe que très peu à la fête avec seulement 3 matchs joués. On est alors au printemps 2022 et on est sur un joueur qui est un peu perdu, qui a quand même peu joué ces dernières années. Il sait pas où il va jouer la saison suivante. Il est même refusé par plusieurs clubs de national. Et puis finalement, il arrive au HAC. Et du coup, forcément, des questions se posent. Mais en fait, toutes ces questions, il va vite les balayer. Il va engranger de la confiance grâce à Lucas Elsner. Il va gagner du temps de jeu et sa place surtout dans le 11 titulaire Ciel et Marine. Il va mouiller le maillot comme un guerrier. On se rappelle tous de ce tacle avec la tête la saison dernière. Incroyable. Et incroyable, et ça prouve bien évidemment sa hargne, sa motivation. Avec lui et Haruna Sanganté, la défense havraise était infranchissable la saison dernière. Elle est un petit peu moins cette saison, mais le match face à l'OM a prouvé que Gauthier Lloris avait largement le niveau Ligue 1. Donc oui, pour tout ça, la prolongation de Gauthier Lloris au HAC jusqu'en 2026, c'est une bonne nouvelle, et je ne suis pas le seul à le penser, puisque sur les réseaux sociaux, les messages sont dithyrambiques depuis que le HAC a posté cette info. Magnifique, superbe nouvelle, le taulier de la défense, un guerrier. C'est donc ça le bonheur, ça c'est le genre de message qu'on pouvait voir sur les réseaux. Et puis j'ai demandé aussi son avis à François Manoury, la voix du HAC, le spécialiste ultime, et lui aussi il est plutôt d'accord. Moi je suis très satisfait de sa prolongation, et pourtant je dois bien avouer que j'avais des doutes, malgré sa superbe saison dernière, j'avais des doutes sur le fait qu'il soit au niveau de la Ligue 1, des doutes par rapport à sa relative lenteur, mais il compense ça par sa science du placement, de l'anticipation. C'est un joueur intelligent, tout simplement. J'avais des doutes aussi sur le côté blessure potentielle. C'est un garçon robuste avec une morphologie sujette à de potentiels pépins physiques. Jusqu'ici, tout va bien, je touche du bois. Mais c'est un athlète sérieux, rigoureux, et je suis convaincu qu'il fait extrêmement attention à son hygiène de vie, son alimentation, sa récupération. Et en plus de tout ça, c'est un garçon super sympa. Donc moi, je suis très heureux de sa prolongation de contrat. Et en plus, il est super sympa. Tout le monde est donc d'accord. Il ne reste plus maintenant à Gauthier Lloris qu'à confirmer ce nouveau statut de hackman indéboulonnable. Alors, entre parenthèses, François Manoury, lui aussi, il est super sympa. Hein. Enfin, je vous le dis. Oui, ça, c'est vrai. Mais vous voyez que entre deux emojis qu'on s'envoie et vidéos de chatons, on échange aussi sur le hack et sur notre avis sur la prolongation de Gauthier Lloris. Ouais, il faudra qu'on reparle de la sonnerie de téléphone quand même, Greg, parce que ça, c'est pas possible. Hein, d'accord. Avec plaisir. On oublie et on dit que ça ne se reproduira pas. Ça n'a jamais existé. Salut Greg. Allez, salut, à demain. Bonne soirée. Et à demain pour de prochaines infos foot, 100% foot, aussi des cadeaux. Et vous savez quoi, le HAC Lens, c'est à guichet fermé vendredi soir. C'est le match de ce mois d'octobre. On attend tous ce retour de la Ligue 1 après la trêve internationale. Les dernières places, elles sont sur France Bleu et j'en ai à vous offrir dans quelques secondes. Surtout, vous restez là. France. France Bleu Normandie. À votre service, Annie Le Flauter. Il arrive souvent que des personnes âgées ne soient plus totalement en mesure de prendre des décisions pour elles-mêmes, leur confort, pour leur bien. Pas assez connu, il existe le mandat de protection future. Ce mandat permet de désigner une personne de confiance chargée de veiller sur nous lorsque le moment sera venu. Comment le rédiger? Qui peut-on désigner? Les notaires répondent à toutes vos questions. Rendez-vous ce jeudi à partir de 9h. Vous écoutez le 16-19 France Bleu Normandie. Le hack RC Lens, l'affiche de ce mois d'octobre, le Stade Océane vendredi soir sera plein comme un œuf. Match à guichet fermé, 21h le coup d'envoi. Et les dernières places, n'en cherchez pas à la vente, il n'y en a plus. Elles sont sur votre radio préférée, elles sont sur France Bleu Normandie. 02 35 07 66 66. Pour gagner les places, il va falloir être bon maintenant et surtout rapide. Je pense à cette petite question concernant l'entraîneur des 100 et or du RC Lens, Franck Hayes, qui a été joueur du FC Rouen. Et puis en junior, un passage dans un club de bord de Seine, tout au pied d'un bac de Seine d'ailleurs. S'agit-il de Sahure ou de la Bouille? Franck Hayes, l'entraîneur du RC Lens, a été joueur du FC Rouen dans sa jeunesse et également en junior, un passage dans un club de bord de Seine au pied d'un bac. S'agit-il de Sahure ou de la Bouille? 02 35 07 66 66. Maintenant, la bonne réponse et vous gagnez vos places pour le hack Lens vendredi soir, 21h. C'est parti! Baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia. Vento na primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia. O vento mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro beijo.